looking for something. Ben, ça marche pas. Ouais, whatever you do, try to catch up. Putain, y a pas de traducteur sur ce truc là. I don't understand. Do you speak? Could you speak French? You could speak French? I am not a good. Oh, no, it's back. Okay. It's not a problem. I try to record something in Reaper, and synchro to Ninja. I try. And you could sync, start Reaper playback or snake. Ok, donc là ça part. Et tu peux enregistrer. Non, ça marche pas. Ah. Arista. Okay. Alors après, can I stop and loop? Save all. Where is the piano? The piano is here. I am looking for the loop. Putain, pourquoi ça marche pas ça? J'arrive pas. J'arrive pas à mettre la barre là. Ah, c'est bizarre ça. Where is the problem? Ah oui, parce qu'il faut mettre le loop. Ok. Voilà. Tac. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe.